Chapitre 12. D'aucuns pensent que si la Fian a trop vite pardonné aux sentinelles, ils ont évidemment tort. L'empereur a suivi l'unique voie possible, la seule qui conduisait à la survie de Gwendalavir. Mais soyez certains d'une chose, il n'a pas oublié. Maître Douaume Nilerg, courrier à Maître Carboast, supérieur d'Ondiane. Camille croyait n'avoir fermé les yeux qu'une dizaine de secondes lorsqu'elle se réveilla en sursaut. Elle consulta la clepsydre qui trônait sur une commode et poussa un grognement étouffé. Il était 1 heure passée de 10 minutes. Elle rejeta les couvertures et, sans bruit, posa les pieds au sol. Elle s'était couchée habillée, il ne lui restait plus qu'à enfiler ses bottes pour être prête. Elle agit dans un silence presque total. La voix d'Elana, parfaitement réveillée, s'éleva pourtant avant qu'elle ait atteint la porte. « Où vas-tu ?» Camille se mordit les lèvres. C'était bien sa veine de partager sa chambre avec une marchombre au sens aussi infaillible qu'un radar. Elle décida de formuler une demi-vérité. « J'ai rendez-vous avec Salim, » avoua-t-elle. « C'est du beau, » railla Elana. Puis elle ajouta. « D'accord, je n'ai rien entendu, mais ne passe pas la nuit dehors ou je réveille Maître Douaume pour qu'il parte à ta recherche, compris ?»« Compris, » promit Camille en se félicitant que son amie se soit méprise sur ses intentions. Elle se glissa hors de la pièce. Le couloir était sombre, mais les murs de pierre dégageaient une faible luminosité qui permettait de se déplacer sans encombre. Impossible de déterminer depuis quand cette lumière avait été dessinée. Depuis des siècles peut-être. Et Camille se demanda si elle avait été créée tamisée ou si son intensité avait décru au fil du temps. Elle gagna rapidement la chambre où elle avait donné rendez-vous à Salim. Il l'attendait, assis devant la porte, et se leva à son arrivée. « Non !» intervint Camille avant qu'il ait eu le temps de parler. « Ne râle pas ! Ce n'est qu'un très léger retard et nous avons des tas de choses à faire !»« Très bien, ma vieille, je me tais. Je ne pense à rien, je n'ai pas sommeil et je n'ai pas froid aux fesses. » « Par quoi commençons-nous ?» Camille réfléchit un court instant. « La vigie. » Mais Edwin a expliqué qu'il fallait être un dessinateur de haut niveau pour y pénétrer. Il parlait dans le vide. Son ami avait fait demi-tour et s'éloignait déjà. Salim courut pour la rattraper. « Tu pourrais au moins me dire ce qu'on cherche » ronchonna-t-il. « Qui on cherche ?» le corrigea Camille. « On cherche quelqu'un ?» Oui, celui qui m'a aidé lors de mon duel. Celui qui peut dessiner ici alors que c'est impossible. Celui dont tout le monde ignore la présence et que je dois absolument trouver. Mais tais-toi, Salim. Bien que les gardes soient postés sur les remparts et non au cœur de la citadelle, mieux vaut ne pas courir le risque d'être découvert. Nous aurions du mal à expliquer notre présence ici. La tour de la vigie s'élevait au centre d'une cour plantée de pommiers. L'ouverture à sa base n'était close par aucune porte, et personne ne gardait les quelques degrés qui y conduisaient. L'intérieur de l'édifice baignait dans la même clarté que les couloirs de la citadelle. Ils eurent un mouvement de recul en découvrant l'escalier. Une rampe vertigineuse, s'enroulant, sans garde-fou, sur le mur arrondi. La perspective offerte par l'absence de pilier central donnait le tournis, bien qu'il fût impossible de discerner le faîte de l'édifice. Les marches, larges de plus de 2 mètres, était en pierre soigneusement polie et ajustée. Jolie grimpette, apprécia Salim. Tu es certaine de vouloir aller là-haut ? En guise de réponse, Camille attaqua l'ascension, et il n'eut d'autre possibilité que de la suivre. Il leur fallut presque 20 minutes pour gagner le sommet de l'escalier, serré contre le mur, évitant d'observer le vide à leurs pieds. Le souffle court, les jambes douloureuses, ils atteignirent enfin le dernier degré. Il donnait sur un palier baignant dans une lueur bleutée qui provenait d'une arche s'ouvrant sur une nouvelle volée de marches. Ils s'approchèrent. La lumière formait un rideau immatériel qui barrait complètement le passage. « C'est électrifié, ce machin ?» s'inquiéta Salim. « Aucune idée, » répondit Camille. « Tends le bras pour qu'on le sache. Tu plaisantes. Tu vois une autre solution ?»« Oui, faire demi-tour. » Camille secoua la tête et avança d'un pas. Salim ouvrit la bouche pour protester, mais déjà elle avait traversé le rideau lumineux. « Pas de problème, » affirma-t-elle. « Tu peux venir. » Salim haussa les épaules et la suivit, du moins essaya. Il rebondit contre la lueur bleue comme s'il avait heurté un mur et poussa un grognement en se frottant le front. « J'en étais sûre !» commenta Camille. « Très drôle !» râla Salim. « T'aurais pu m'avertir. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?»« Un dessin !» expliqua Camille. « Je l'ai senti en arrivant. Je savais que ce n'était pas électrifié. Sinon, n'aie crainte, je t'aurais laissé passer devant. » Il doit s'agir d'un écran destiné à filtrer les visiteurs. Seuls les dessinateurs de haut niveau peuvent le franchir. « Génial !» lâcha Salim. « Tu m'expliques à quoi je sers, moi, maintenant ?»« À m'attendre, » rétorqua-t-elle, « avec tes deux amis, patience et bonne humeur !» Salim poussa un soupir résigné. « C'est bon, j'accepte le rôle de l'inutile de service. Sois prudente. Quand je ne suis plus là pour te surveiller, tu as tendance à faire des bêtises. » Camille ne répliqua pas et lui tourna le dos. Devant elle, il n'y avait qu'une dizaine de marches qu'elle gravit promptement. Elle se retrouva au sommet de la tour, au centre d'une immense pièce circulaire, éclairée par la lueur des étoiles et de la lune. Une coupole transparente remplaçait murs et plafonds, offrant à la vue un panorama merveilleux. Au nord, la chaîne du pôle dressait ses impressionnants sommets enneigés, tandis qu'au sud, s'étendait une plaine vallonnée, parsemée d'une multitude de lacs scintillants. À l'ouest, le polymage traçait une longue ligne sinueuse qui paraissait blanche dans la nuit. Camille s'approcha de la coupole et y posa la main. Son contact la surprit par sa tiédeur et confirma son idée qu'il ne s'agissait pas d'une matière naturelle. Elle reporta son regard au sud, en direction d'Aljet, et recula malgré elle. Le paysage nocturne avait bondi vers elle. Avec précaution, elle fit une nouvelle tentative. Elle se rendit compte avec stupéfaction que le dôme jouait le rôle d'une loupe. Elle se concentra sur une portion du polymage, et tout à coup, le fleuve lui parut aussi proche que s'il avait coulé au pied de la citadelle. Elle relâcha son attention, et sa vision redevint normale. Pendant quelques minutes, elle s'amusa à explorer le paysage. L'effet de grossissement était proportionnel à sa volonté. Elle parcourut les frontières de glace comme si elle s'y trouvait et observa les jeux d'un couple de renards blancs. Elle saisit l'avantage d'une telle invention dans une région aussi peu sûre que les marches du Nord. Pas étonnant que les Raïs n'aient jamais réussi à surprendre l'Empire. À regret, Camille s'éloigna de la paroi translucide. La pièce était meublée avec goût. Elle fit rapidement le tour des meubles, fauteuils de repos, lit double, bahut-bas, commode. Tout laissait deviner que deux personnes, certainement un couple, y habitaient. Elle se représenta à Eléaril Morienval se déplaçant dans cet intérieur et ses mâchoires se contractèrent. Pour la première fois, elle perçut combien il était facile de haïr quelqu'un. Aucun signe en revanche de l'inconnu qu'elle recherchait. Camille se glissa dans l'imagination. Aussitôt, la puissance de l'endroit lui apparut évidente. Comme à Aljet, tout ici baignait dans le pouvoir et le dessein. Elle sentit cependant une grosse différence avec la capitale de l'Empire. Cette dernière n'était qu'une création. La citadelle était une source. Camille utilisa tout son pouvoir pour tenter d'identifier l'origine de cette force. En appelant les chevaux quelques jours plus tôt, elle avait découvert une nouvelle facette de son don. Cette même facette qu'elle avait utilisée en demandant de l'aide pendant son duel. La faculté de communiquer à distance. Pouvait-elle se servir de ce pouvoir pour repérer quelqu'un? À aucun moment Maître Douhomme ne lui avait parlé d'une telle éventualité, mais elle ne perdait rien à essayer. Elle balaya la citadelle en tenant son esprit le plus ouvert possible, à l'affût de la moindre perception inhabituelle. Elle insista pendant près d'un quart d'heure, en vain. Elle commença à désespérer lorsque la chance lui sourit. Curieuse, elle voulut savoir, avant de renoncer, si elle pouvait déterminer la position de Salim. Elle se concentra sur la zone située au-dessous d'elle et en un éclair eut la réponse à sa question. La source de la puissance de la citadelle n'était pas dans la vigie, mais dans les fondations de la tour. L'endroit dégageait une telle aura de pouvoir qu'il lui était impossible de prospecter plus avant. Il lui fallait se rendre sur place. Elle dévala les degrés qui conduisaient au rideau de lumière bleue et le traversa. Salim l'attendait en faisant les 100 pas sur le palier. « Pas trop tôt ?» râla-t-il. « Tu t'étais endormie ?»« Je cherchais mon inconnu. Et tu l'as trouvé ?»« Non, mais j'ai sans doute mis le doigt sur l'endroit où il se cache. On y va ?»« Ça roule ma boule, je te suis, comme d'habitude. » Ils descendirent l'impressionnant escalier en colimaçon pendant que Camille expliquait à son amie ses découvertes et ses déductions. Ils arrivaient en bas lorsqu'elle conclut. « Voilà, il ne nous reste plus qu'à atteindre le sous-sol. » Salim se frappa la tempe avec un doigt. « Tu as apporté une pelle avec toi, j'espère, parce que je vois mal comment tu vas faire pour descendre plus bas que le rez-de-chaussée. »« Je vais emprunter l'escalier ?» rétorqua Camille. « Logique, non ?» Loin de moi l'idée de te contredire, ma vieille, mais je discerne quand même un problème avec l'escalier. Quel problème ? Bah, il n'y a pas d'escalier. Camille observa son amie avec surprise. Et ça ? Lança-t-elle en montrant le sol. Qu'est-ce que c'est, selon toi ? Ma foi, de gros pavés de pierre. Pourquoi ? Camille comprit que Salim ne plaisantait pas. Pourtant, elle distinguait bel et bien une volée de marches s'enfonçant dans l'obscurité. Elle s'approcha de l'ouverture. Tu es sûre que tu ne vois rien ? Rien du tout. Et là ? Camille posa un pied sur le premier degré. Salim eut un hoquet de surprise. Tu veux vraiment le savoir ? Demanda-t-il. Oui. Eh bien, ta jambe disparaît dans la dalle jusqu'au genou. Et maintenant ? Camille avait descendu 2 marches de plus. Arrête ! Salim avait crié. Ça me file la pétoche de devoir fondre dans le sol. Qu'est-ce que tu fabriques ? Il y a un escalier, Salim, expliqua-t-elle. Tu ne peux pas le voir, c'est tout. Allez, viens. Je ne peux pas le voir, c'est tout. Rien de plus normal, selon toi. Ménage-moi, ma vieille, j'ai l'impression de devenir fou. Il fit néanmoins un pas en avant avec précaution. Son pied s'appuya sur les pavés qu'il savait désormais être une illusion. Il y trouva un appui parfaitement réel. Il ne s'enfonça pas d'un millimètre. « Et si on changeait de programme ?» ironisa-t-il. « J'ai oublié de t'avertir que je ne savais pas nager dans les cailloux. » Comme pour donner plus de poids à ses paroles, il sauta sur place 2 ou 3 fois. Un nuage de poussière s'éleva à chacun de ses bonds. Camille remonta les marches qu'elle avait descendues et lui saisit la main. « Ferme les yeux !» lui ordonna-t-elle. Et fais-moi confiance. On va essayer différemment. C'est injuste, protesta Salim. Tu sais bien que si tu me prends par les sentiments, je suis capable de te suivre comme un aveugle jusqu'au bout du monde. Encore plus loin, peut-être. Tu joueras une autre fois au poète, se moqua gentiment Camille. On y va. Elle le guida avec douceur et stupéfait. Salim sentit un premier degré sous ses pieds, puis un deuxième. N'ouvre pas les yeux. Le prévint Camille. Nous n'avons pas encore dépassé le niveau du sol. C'est bon, tu peux regarder. Salim obéit. Il se trouvait dans l'obscurité la plus totale. On n'y voit rien, protesta-t-il. Lumière, s'il te plaît. Camille tenta de se glisser dans les spires. Comme un peu plus tôt dans la soirée, elle eut l'impression qu'y accéder était impossible. La sensation de glisser était toujours présente, mais elle savait désormais à quoi s'en tenir. Elle insista et réussit à se concentrer suffisamment pour qu'une petite flamme se mette à danser au bout de ses doigts. L'escalier qui s'enfonçait dans la nuit était à peine assez large pour laisser le passage à une personne à la fois. Camille s'y engagea la première. Au bout d'une 30aine de marches, ils butèrent contre une porte basse en bois vermoulu. Lorsque Salim posa la main sur la poignée, elle refusa de tourner. « Encore un dessin ?» grogna le garçon. « Oui, de toute évidence, » murmura Camille. « Et je ne sais pas du tout comment faire pour l'ouvrir. À cet endroit de la citadelle, l'imagination est aussi accessible que le sens de l'humour de Maître Douhom quand on lui marche sur le pied. « Tu as pourtant créé une flamme, avec beaucoup de difficultés. Impossible de dessiner autre chose. » « On peut toujours essayer les vieilles méthodes, » proposa Salim. C'est-à-dire ? En guise de réponse, il prit de l'élan et donna un bon coup d'épaule contre la porte. Il rebondit avec un bruit sourd qui fut suivi d'un gémissement. Le battant semblait près de s'écrouler de vétusté, mais il était aussi solide qu'un mur d'acier. « Raté !» constata Salim en se frottant l'épaule. « Il faut tenter autre chose. » « Oui, » acquiesça Camille. « Mais quoi ?»« Et si vous frappiez poliment, j'ai entendu dire que ça se faisait. » La voix avait résonné autour d'eux, et ils sursautèrent avant de se regarder, indécis. Finalement, Camille avança le doigt et donna deux légers coups contre le bois. Avec un grincement, la porte s'ouvrit.